La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Chaque jour, sans le savoir, nous sollicitons nos organes qui sont le fruit d'une évolution de plusieurs centaines de millions d'années. C'est une histoire qui nous relie à de nombreuses autres espèces animales. Cette généalogie de notre corps fait l'objet ce soir sur France 5 d'un documentaire en 90 minutes pour découvrir donc les travaux menés par les scientifiques dans le monde entier pour remonter à nos origines les plus lointaines et comprendre comment nous avons donc évolué au fil du temps. L'histoire secrète de notre corps, documentaire que vous pourrez voir donc ce soir dans Science Grand Format. Et je reçois dans un instant pour en parler son réalisateur Pierre-François Gaudry et le médecin et anthropologue Alain Froment. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec toutes vos questions sur le site de l'émission France Inter.fr et le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science, Héloïse, aujourd'hui on revient sur ces dauphins qui s'échouent en masse sur les côtes françaises depuis des semaines. Oui, c'est une véritable hécatombe. Ce sont des centaines de dauphins que la mer ramène sur la côte atlantique depuis le mois de décembre. On va parler de ce phénomène et expliquer ce qui le cause. Et c'est Fanny Bouillon qui réalise aujourd'hui cette émission, préparée par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, le corps humain et son évolution. 90 minutes de film ce soir sur France 5 dans la case Science Grand Format pour découvrir l'histoire secrète de notre corps et pour en parler donc son réalisateur Pierre-François Gaudry et Alain Froment. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue. Alain Froment, médecin anthropologue et auteur d'un livre Anatomie impertinente. C'est le corps humain et l'évolution. C'est sorti chez Odile Jacob en 2013. Et donc Pierre-François Gaudry, réalisateur de ce film qui est une grande odyssée autour de notre corps. C'est ce que vous avez voulu montrer aux téléspectateurs et nous embarquer donc dans ce voyage. Oui, tout à fait. C'est un voyage qui nous concerne tous puisque c'est effectivement ça nous emmène dans notre passé très lointain et ça nous fait découvrir les grands chapitres par lesquels le monde vivant est passé et nous y compris puisque nous sommes les héritiers de toutes ces lignées animales avec lesquelles nous partageons la planète aujourd'hui. Oui, donc, quasiment organe par organe, pas tous évidemment, mais il y en a énormément pour faire une sorte de radiographie et voir quelle est notre histoire. Oui, on pouvait pas évidemment être exhaustif, mais l'idée était de raconter quelques histoires qui soient emblématiques ou sur lesquelles, disons, des recherches actuelles ouvrent des portes qu'on ne soupçonnait pas forcément avant. Quoi. Ouais, et donc, ça vous avait fait un petit voyage autour du monde, quasiment. Quand absolument, même, hein. Oui, de l'Australie aux États-Unis, en passant par l'Europe. Bonne idée, voilà, pour bourlinguer un petit peu et rencontrer les scientifiques à l'aide de l'imagerie, hein, qui vous a donné aussi des outils. On l'expliquera tout à l'heure pour montrer l'évolution du corps à l'infrement. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de ratés, tiens, dans l'évolution, des choses qui ont été abandonnées en cours de route? Parce qu'on a l'impression que tout est utile, finalement, mais est-ce qu'il y a eu des petits bugs dans le corps humain? Oui, sans arrêt. Et c'est pour ça que la médecine, finalement, est là. À chaque fois qu'il y a une pathologie, il y a un dysfonctionnement, ça va révéler, en fait, un défaut. Chez nous, humains, beaucoup de défauts sont liés à l'acquisition de la bipédie. Oui. Puisque nos cousins directs, hein, les chimpanzés, les gorilles, sont plutôt quadrupèdes. Ils marchent un peu de temps en temps debout, mais pas bien. Nous, on est très coureurs, mais on a, du coup, tout un tas de symptômes, que ce soit la lombalgie, les problèmes de genoux, la rupture du tendon d'Achille, même la sinusite, parce que les sinus, il se vide par le haut et pas par le bas. Ouais. Les difficultés d'accouchement, tout ça, ça va révéler un petit peu ses défauts, puisque ça, François Jacob l'avait dit en son temps, l'évolution, c'est du bricolage, c'est du recyclage. Ouais. Donc, on part de structures qui sont assez simples au départ, et puis on les complexifie, et le film le montre très très bien. Ouais, mais on a du mal à l'imaginer, parce qu'au contraire, on a quand même le sentiment que le corps humain, et c'est quand même un peu vrai, est une machine assez bien foutue quand même, non? Mais tous les animaux sont bien foutus parce qu'ils ont été sélectionnés pour ça, évidemment. Voilà, c'est ça. Ils sont passés au grand crible de l'évolution darwinienne. Ouais. Donc, bien sûr, si on est là, c'est qu'on a survécu. Néanmoins, on doit s'accommoder d'un certain nombre de petits défauts. Et puisqu'ils ne menacent pas complètement la survie, eh bien, on s'en accommode, quoi. Voilà, exactement. Alors, ce qu'on va voir aussi dans ce film, c'est que finalement, on partage beaucoup de choses en commun avec des espèces qui peuvent nous sembler extrêmement lointaines de nous. Et pourtant... Oui, ça c'est alors une grande leçon de ce très beau film. C'est ce qu'on appelle le body plan, hein, le plan du corps. Oui. Et en fait, la première réflexion, c'est un traité d'ornithologie qui date de l'époque d'Henri III, où L'auteur Belon avait mis en parallèle un squelette humain suspendu à une potence et un squelette de poulet. Et on voit tout de suite les homologies, on voit que le poulet a les mêmes structures. Ouais. Mais après, on peut aller plus loin, on peut prendre un poisson. Vous regardez le squelette d'un poisson avec sa tête, ses yeux, sa bouche, ses narines, sa colonne vertébrale. Il suffit de rajouter des pattes pour en faire un tétrapode. Et puis, on peut aller plus loin, regarder une mouche. Également, elle a une tête avec des yeux, une bouche, elle a un thorax, un abdomen, des membres. Donc, on va comme ça jusqu'à ce que dans le film, on appelle les bilatériens, c'est-à-dire ces structures un peu plus élémentaires où l'animal a un axe qui va de la bouche à l'anus. Oui. Il a un dos et un ventre, il a un côté droit, un côté gauche. Et ça, c'est le corps humain. Oui. On verra même qu'on a des points communs avec la lamproie, faut quand même le faire, hein, parce que vous êtes allé chercher très très loin. Non, des moindres, hein, l'œil, c'est quand même. C'est l'œil, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est le travail de l'évolution et c'est tout à fait fascinant. Allez, on en discute dans un instant. Pierre-François Gaudry, Alain Froment, nos invités, et bien sûr vous qui nous écoutez. On attend toutes vos questions sur franceinter.fr. Oh, toi, n'insiste pas. À force de faire le malin, c'est en boîte de conserve que tu vas te retrouver un de ces jours. Voilà un extrait de la série Flipper le dauphin, aujourd'hui donc à la une de la science, pour évoquer malheureusement les morts de dauphins qui s'accumulent sur les plages de France et dont les pêcheurs sont tenus pour responsables, Héloïse. Oui Mathieu, alors les échouages de dauphins, c'est un phénomène qui est connu des scientifiques depuis 30 ans maintenant, depuis exactement 30 ans, mais cette année il dépasse un peu l'entendement ce phénomène en termes de nombre de dauphins concernés. Mmh. On en parle tout de suite avec Hélène Pelletier qui est avec nous en duplex depuis La Rochelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche à l'Observatoire Pélagis. C'est une unité mixte, Université de La Rochelle et CNRS. Alors, il y a quelques jours, la presse parlait de 400 dauphins retrouvés morts. Vous êtes aux premières loges pour étudier le phénomène. Est-ce que les compteurs continuent de tourner? On en est où maintenant? Oui, aujourd'hui, on est à presque 600 dauphins qui ont été retrouvés échoués le long des côtes atlantiques depuis le mois de janvier. Et est-ce que c'est une année particulièrement noire si on les compare avec les années précédentes? Alors, si on compare strictement avec 2017 et 2018, qui étaient déjà des années records, sur exactement la même période, donc jusqu'à mi-février, on est au-delà encore des années précédentes. Ensuite, il va falloir voir dans le cours de l'hiver, est-ce que le phénomène va s'atténuer ou pas. Donc en fait, il y a vraiment qu'à la fin de l'hiver qu'on pourra dire si c'est une année record ou pas. Mais en tout cas, clairement, depuis que le phénomène de capture accidentelle a été détecté le long des côtes françaises, donc depuis 30 ans, on est là dans les trois dernières années, dans des années vraiment records par rapport à ce qu'on a pu enregistrer dans les décennies passées. Alors ces dauphins, ils s'échouent où exactement sur la côte atlantique? Alors là, ce qu'on a pu observer cette année, c'était des échouages principalement sur les départements des Landes et de la Gironde entre mi-janvier et début février. Et là, depuis début février, c'est surtout en Charente-Maritime et en Vendée. Mais globalement, tout le littoral français peut être concerné, mais ces événements très intenses, c'est vraiment entre l'estuaire de la Loire et la frontière espagnole. Ça veut dire, Hélène Pelletier, que le dauphin est un animal commun en Atlantique, non loin de nos côtes? Oui, cette espèce-là, elle est recensée, elle est observée régulièrement, que ça soit depuis la côte parfois ou par des plaisanciers. C'est une espèce qui est assez commune, ouais. Alors ces animaux, vous les retrouvez dans quel état sur les plages? On peut les retrouver dans des états assez différents. En fait, ils sont morts depuis plus ou moins longtemps. Ensuite, si l'état de l'animal le permet, on va faire des examens dessus. Donc, les examens externes peuvent nous montrer des. En ce moment, on retrouve beaucoup d'animaux avec des petites coupures, des marques encerclantes en fait autour du corps, des fois même des nageoires qui ont été sectionnées. Et ensuite, quand l'état de l'animal donc le permet, on fait aussi une dissection. Et quand on regarde les organes internes, en fait, on voit des traces d'asphyxie quand on examine les poumons. Souvent, en plus, ces animaux ont l'estomac qui est plein de poissons, donc ça veut dire qu'ils étaient vraiment en train de se nourrir au moment de la mort. Et donc ça, plus l'absence d'autres causes de mortalité évidentes, ça nous incite fortement à penser, ça nous permet de prouver en fait que ce sont des morts dans des engins de pêche. Et tous les animaux ne peuvent pas être autopsiés, j'imagine? Non, quand ils sont morts depuis trop longtemps, la décomposition, le processus de décomposition est en cours et du coup, les organes ne permettent pas de détecter quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ces animaux qui sont morts depuis peu. Et donc, ce serait la pêcherie qui provoque ces dégâts. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, sur ce sujet, on a quand même plus de questions que de réponses, globalement. Donc c'est un phénomène, effectivement, qui a été observé pour la première fois sur les côtes françaises il y a 30 ans. Probablement qu'il y a eu des évolutions dans les pêcheries qui font que ce qui était vrai il y a 30 ans, 15 ans, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Mais on pense que les animaux peuvent mourir dans différents engins de pêche. Donc il y a les chaluts pélagiques qui ont été identifiés déjà il y a longtemps, où on pense que les animaux sont en train de se nourrir des mêmes proies que ce que les pêcheurs vont, que les poissons que les pêcheurs vont pêcher. Donc les pêcheurs qui ciblent le merlu, le bar, les dauphins mangent la même chose que les merlus et les bars. Et donc au moment où le chalut pélagique passe, donc c'est une espèce de grande poche, de grand filet qui est tracté par deux bateaux. Et probablement que l'animal, les animaux ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont pris au piège. Et quand ils s'en rendent compte, avec le bruit et ces animaux qui sont très sujets au stress, on pense qu'ils paniquent, ils n'arrivent pas à ressortir, ils finissent par s'asphyxier et ils meurent. Et on pense aussi qu'il y a des mortalités dans les filets, donc des engins, des espèces de filets qui sont déployés en fait par les pêcheurs, qui les laissent accrochés au fond, qui repartent, et ensuite qui reviennent quelques heures, quelques jours plus tard pour collecter le poisson capturé. Et là, on pense que ce sont plutôt des barrières invisibles pour les dauphins, qu'ils n'arrivent pas à détecter avec leur sonar. Et donc, ils se déplacent, ils se nourrissent, et ils se retrouvent finalement emmêlés dans ces filets sans les avoir vus, et là, meurent également d'asphyxie. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est peut-être seulement la part émergée de l'iceberg, ces dauphins qu'on voit vraiment sur les plages. Il y en a d'autres qui meurent en mer, vous pensez ? Oui, en fait, ce qu'on pense, c'est que selon l'état d'embonpoint de l'animal et un certain nombre de caractéristiques, les animaux peuvent soit flotter et donc par les vents et la marée peuvent dériver et arrivent ou non sur nos côtes. Et il y a probablement des animaux qui coulent également et que donc qui arrivent au fond de l'eau, qui là sont dégradés par les nécrophages et donc à partir de là, on les retrouvera plus. Donc les expériences passées nous indiquent que c'est seulement 20% des animaux morts en mer qui viendraient s'échouer sur les côtes françaises. Et assez rapidement, est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour tenter de faire face à cette situation ? Oui, depuis 2 ans, il y a un groupe de travail national qui a été mis en place par donc les directions biodiversité et pêche des différents ministères, avec des représentants des professionnels de la pêche et des scientifiques, pour déjà se mettre d'accord sur les constats et puis essayer de trouver des solutions concertées. Et donc, il y a des projets de recherche scientifique qui sont maintenant financés à l'Observatoire Pélagis pour comprendre un peu quelles sont les pêcheries impliquées et quel est l'impact sur les populations de dauphins. Et également des projets plus technologiques des pêches qui vont démarrer dès le mois de mai, pour trouver des solutions techniques avec les pêcheurs, soit dans leur pratique de pêche, soit des nouveaux dispositifs techniques pour réduire les captures accidentelles. Alors c'est vrai que quand on voit les effectifs des chouages en ce moment, on a hâte que ça fonctionne et que tout ça soit déployé. Mais voilà, il y a des choses qui sont en cours voilà, on a hâte que ces effectifs se diminuent voilà, et que les solutions fonctionnent. Alain Froment, est-ce que nous avons beaucoup de points communs anatomiques entre hommes et dauphins ? Ah, c'est un cousin direct. Hein. Mmh. Déjà, c'est un mammifère, donc il nourrit ses petits comme nous. La structure de son squelette est identique sur le plan de la base. Après, il a des adaptations à la natation, donc il a une queue. Nous avons perdu notre queue. Il a des membres antérieurs transformés en nageoires, des membres postérieurs qui sont atrophiés, un gros cerveau bien plissé. Donc oui, on peut reconnaître ce body plan, ce schéma corporel dans le dauphin chez nous. On a des ancêtres communs. Merci beaucoup Hélène Pelletier pour ces précisions. Je rappelle donc que vous étiez en duplex depuis les studios de France Bleu à La Rochelle et on remercie nos camarades là-bas. Merci beaucoup à vous Héloïse, on se retrouve demain. À demain. Il y a encore du boulot avant le week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les médicaments antidouleurs opioïdes sont en train de devenir un sujet de préoccupation en France. Un rapport publié hier par l'Agence du médicament indique que le nombre d'hospitalisations liées à la prescription de ces médicaments a quasiment triplé entre 2000 et 2017. Le nombre de décès qui leur est imputé a bondi de 146% sur la même période. Les autorités sanitaires parlent d'au moins 4 décès par semaine. Si l'Agence du médicament se dit vigilante face au mauvais usage des médicaments morphiniques et de leurs dérivés, elle rappelle que la situation française reste sans commune mesure avec ce qui se passe aux États-Unis où le problème a tourné à la catastrophe sanitaire. Les scientifiques l'avaient perdue de vue depuis un siècle sans pouvoir affirmer avec certitude qu'elle s'était définitivement éteinte. Eh bien, la tortue géante de Fernandina vient de faire une réapparition très remarquée. Un spécimen femelle a été découvert par les membres d'une expédition réunissant le parc national des îles Galapagos en Équateur et l'organisation Save Galapagos. Le ministre équatorien de l'Environnement lui-même a tweeté pour l'annoncer fièrement, évoquant une nouvelle mondiale. Les seuls indices de la présence de la tortue depuis sa dernière observation en 1906 étaient une morsure blessure sur un cactus en 1964 et un témoignage d'aviateur qui l'aurait aperçu en 2009 depuis son avion. Et puis Hippocampe, c'est le nom donné au nouveau satellite de la planète Neptune. L'étude d'image prise il y a plusieurs années par le télescope spatial Hubble a permis de le découvrir. Il fait l'objet d'une publication dans la revue Nature avec ses minuscules 34 km de diamètre. Le plus petit satellite de la plus lointaine des planètes du système solaire n'a pas vraiment sauté aux yeux des scientifiques. Ils ont dû avoir recours à un traitement d'image spécial pour rendre plus lumineux ce qui n'était au départ qu'un petit point sur une photo. Hippocampe est donc la 14e lune connu pour Neptune. Et puis enfin pour terminer, le magazine scientifique de nos camarades d'Arte, Xenius, fête ses 10 ans. La chaîne propose d'ailleurs cette semaine 5 épisodes bilan et inédits pour faire le point sur 10 ans de recherche et pour évoquer l'avenir, de la transition énergétique à la médecine high-tech. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Ça a commencé donc lundi sur Arte et vous pouvez poursuivre la découverte de ces documentaires inédits tous les jours à 17h10. L'histoire secrète de notre corps dans un instant. The sky's more gray than blue, but you hope. The Hours, c'était Mort. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, on vous emmène découvrir l'histoire secrète de notre corps avec ce documentaire de 90 minutes diffusé ce soir à 20h50 sur France 5 dans le rendez-vous Science Grand Format. Et pour en parler, son réalisateur Pierre-François Gaudry et Alain Froment, médecin anthropologue, directeur de recherche émérite à l'IRD et donc l'auteur en 2013 de ce livre Anatomie impertinente, le corps humain et l'évolution. C'était chez Odile Jacob et bien sûr vous nous rejoignez avec vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Pierre-François Gaudry, montrer le corps en image, c'était le pari finalement, parce que c'est toujours compliqué hein, de filmer de la science. Comment vous avez imaginé d'abord finalement cette longue évolution humaine? Ce sont les outils technologiques finalement qui vous ont permis d'avancer, de filmer? Alors à l'origine, c'est parti sur une idée, c'est de se dire notre corps est une fabuleuse machine à remonter le temps. Donc c'est cette idée-là au départ qui m'a séduite. Et effectivement après, la question était de savoir comment on racontait cette histoire, comment on peut pas être exhaustif non plus, donc fallait choisir un certain nombre d'éléments qui permettent d'illustrer certains passages de l'évolution ou certains mécanismes. Et puis effectivement après il y a la façon de mettre ça en image. Et comme vous le disiez, c'est pas toujours évident sur le corps, ça peut vite être peu esthétique ou en tout cas peu agréable à regarder si on est sur quelque chose de trop réaliste. Donc c'était un voyage à la fois dans notre passé et puis à l'intérieur, mais en essayant justement de trouver une esthétique. Alors là on a effectivement combiné des technologies de d'IRM avec évidemment de la 3D aussi, d'animation 3D pour essayer de nous faire rentrer dans ce monde. Oui. Ouais, avec donc ces voyages aussi à travers la planète, hein, puisque des chercheurs travaillent réellement sur ces sujets-là, ou finalement vous êtes allé piocher dans plusieurs disciplines pour tenter de raconter ce récit? Oui, absolument. C'est ça qui était intéressant, c'est que c'est une science qui est en marche. On se pose des questions encore, tout un tas de questions sur notre passé, sur notre évolution. Mmh. Et donc, il y a des chercheurs qui essaient effectivement d'enquêter là-dessus et de trouver des éléments nouveaux. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de mettre en image dans le film. C'est aussi ces portes qui s'ouvrent ou ces fenêtres qui s'ouvrent sur un peu des nouvelles connaissances ou des nouvelles façons d'envisager la généalogie de nos organes. Ouais. Est-ce que justement, Alain Froment, c'est quelque chose finalement d'assez marginal, une discipline qui serait consacrée à l'histoire évolutive du corps? Pas du tout. C'est même toute la raison d'être, on pourrait dire, de la paléontologie. Il y a une très belle galerie d'évolution au Muséum d'Histoire Naturelle qui raconte un petit peu ça. Et ça, c'est l'anatomie. Mais maintenant, on en est à la génétique. Donc, on fait de l'anatomie comparée de l'ADN. Et ça a débouché sur un projet fabuleux qui s'appelle l'Arbre de la Vie, The Tree of Life, où à travers les comparaisons d'ADN, on voit qu'on est relié absolument à tous les organismes vivants et pas que les animaux. Ouais. Bien sûr, les plantes. Une des découvertes récentes, c'est que on est relié avec les champignons et que les champignons ne font pas partie des végétaux, qu'ils ont avec nous, humains, des caractères communs. Et puis alors, on a un ancêtre commun à tout ce qui est vivant, qu'on appelle Luca. Luca, c'est la toute première. Alors là, vous allez chercher très très loin quand même. Hein. Oui, parce que c'est l'origine. C'est le début de l'histoire. Bien sûr, donc on est à 3 milliards 700 millions d'années à peu près, bien sûr. Donc on dérive tous de ces formes primitives. Ouais, mais Darwin avait bien raison alors finalement. Hein. Alors il avait vu ça, et ça c'est génial, parce que d'ailleurs dans ses carnets, on voit déjà l'esquisse de petits arbres généalogiques. Mais il connaissait pas les gènes, il connaissait l'hérédité, mais il ne connaissait pas le support. Mais il avait, grâce à justement cette approche d'anatomie comparée, compris le mécanisme de l'évolution. Ouais, Pierre-François Gaudry, c'est exactement finalement ce que vous racontez dans le film, c'est que nous appartenons tous à un arbre du vivant, et il y a des embranchements absolument dans tous les sens. Hein, et nous sommes reliés finalement à des organismes, on le disait tout à l'heure, qui peuvent nous paraître pourtant lointains. Oui, c'est ce qui m'a intéressé dans ce voyage, c'est de nous relier en fait à l'ensemble des autres organismes vivants et des autres animaux avec lesquels on partage la planète, et de réinscrire l'homme, parce qu'on a souvent tendance à s'extraire de ce monde naturel, et de réinscrire l'homme dans cette grande histoire et de montrer tout ce qu'on partage, parce que ce qui est finalement intéressant de montrer, c'est ce qu'on partage, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut trouver qui nous différencient, mais le le partage de et cette hérédité, enfin cet héritage plutôt commun, c'est ça qui est passionnant, c'est qui nous permet de remonter et de nous trouver des points communs avec de nombreux organismes, même parfois qui nous semblent très éloignés de nous. Qu'est-ce qu'on a en commun avec les champignons, Alain Froment, excusez-moi, mais ça me trotte dans la tête là depuis que vous nous l'avez dit tout à l'heure. On a le flagelle à l'arrière pour les spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'animaux flagellés et de structures végétales flagellées. Mais les champignons, les spores des champignons aquatiques et le spermatozoïde humain ont le moteur à l'arrière, en quelque sorte. Ça s'appelle les opisthocontes en jargon scientifique. Ah, c'est beau. Et donc, l'ancêtre commun aux champignons et à nous date d'à peu près 1 milliard d'années. Et c'est comme ça qu'on a détaché les champignons du règne végétal. Mais c'est ce cil, finalement, le flagelle, ça, ce petit poil, hein, oui. Qui nous permet de nager aussi. Oui. Oui, qu'aux spermatozoïdes peut nager. Oui. Donc on a ça en commun avec les champignons. Absolument. Ouais. Plus quelques autres caractères. Par exemple, on a une molécule qui s'appelle le glycogène qui nous permet de stocker l'énergie. Donc les champignons stockent le glycogène comme les mammifères, comme les animaux, et non pas comme les végétaux. On va écouter un premier extrait, évidemment, de ce documentaire sur l'histoire secrète du corps humain concernant le coccyx, qui serait le vestige d'une queue, justement. Et écoutez bien, c'est assez étonnant. L'un des organes vestigiaux les plus souvent cités est le coccyx. Cet appendice osseux de notre colonne vertébrale, composé de 4 vertèbres semi-mobiles, a 25 millions d'années. Le coccyx, on peut le voir comme le vestige d'une queue qui est soudée et intégrée à l'anatomie du bassin. Cette queue, fort utile à de nombreuses espèces pour chasser les mouches ou garder l'équilibre, a disparu dans notre lignée. Mais chez l'embryon humain, la terminaison de la colonne vertébrale en formation pourrait encore évoquer une ébauche de queue. Sur cet embryon, on peut voir où le coccyx va se former, à l'extrémité de la colonne vertébrale. À une certaine époque, certains pensaient que c'était peut-être une queue qui commençait à se développer chez l'humain. Mais en fait, l'homme n'a jamais eu de queue telle qu'on la connaît chez les autres animaux. Mais ce sont les mêmes os qui forment le coccyx à l'extrémité de la colonne vertébrale. Contrairement à ce qu'on pense bien souvent, le coccyx nous est utile. Il sert de point d'insertion à des muscles importants comme le grand fessier. Et celui-ci est déterminant dans la station debout. Lorsque nous sommes assis, le coccyx forme aussi un point d'appui avec l'ensemble des os de notre bassin et concourt à notre équilibre. Il nous est très utile d'ailleurs le coccyx, évidemment. Pierre-François Gaudry, on entendait la voix de Guillaume Lecointre cet extrait qui a beaucoup suivi justement votre travail pour vous guider sur les chemins de l'évolution. Voilà, la genèse aussi, enfin l'idée initiale s'est développée suite à un échange avec Guillaume Lecointre justement sur cette généalogie, cette machine à remonter le temps que pouvait être le corps humain et qu'est-ce que notre corps nous racontait de l'histoire de l'évolution. Donc j'avais trouvé que c'était effectivement très passionnant. Et j'ai exploré un peu cette piste. Il aime bien cette idée, lui, des ratés, justement, de l'évolution. Oui, c'est un des éléments dont on a discuté assez vite, en fait, avec Guillaume Lecointre, et notamment le fameux nerf phrénique. Donc, il aime beaucoup raconter cette histoire. Donc, c'est ce nerf qui innerve notre diaphragme, qui est le muscle sous la cage thoracique, qui permet de ventiler et de respirer. Et ce nerf phrénique est branché à la troisième cervicale, donc très loin en fait du muscle qui l'innerve. Et donc ça nous raconte un chapitre effectivement assez intéressant de l'évolution, à savoir que ce nerf innervait à l'époque, il y a très longtemps, les branchies, la corbeille branchiale des poissons. Ouais. Et donc au fur et à mesure de l'évolution, avec l'apparition d'un coude, l'allongement du corps, etc., le nerf a suivi le chemin du déplacement de ce muscle. Et donc le hockey notamment, c'est moi ce que j'avais trouvé amusant, le hockey s'explique par ce chemin de l'évolution, ce long chemin de l'évolution. Ouais, c'est-à-dire, Alain Froment, petit complément sur le hockey, s'il vous plaît. C'est-à-dire que le nerf, il est beaucoup trop long par rapport à son usage. Il pourrait sortir en face du diaphragme, c'est-à-dire au niveau des vertèbres dorsales, mais il fait ce trajet. Il y a un autre nerf qu'on appelle récurrent, justement, parce qu'il va en arrière, il sort aussi du plexus cervical, il descend sous la crosse de l'aorte et il remonte vers le larynx. Ouais. Donc là encore, on voit bien que c'est le poisson qui a reculé en fait son anatomie et les structures nerveuses qui ont reculé en même temps. Il y a des trucs bizarres quand même. Il y a des défauts de conception, Oui, et c'est ça. Pour ça que c'est un grand débat, en fait, des religions. Est-ce qu'il y a un grand créateur, un grand architecte qui aurait fait quelque chose de parfait? Ou bien, et c'est ça la leçon de regarder son propre corps, c'est de dire, en fait, c'est du bricolage et il y a des choses qui sont pas ce qu'un ingénieur aurait fait. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer qu'au fil de l'évolution, justement, si on se projette là dans le futur, ce type de description va pas quand même un peu s'améliorer pour faire en sorte que, voilà, la perte de place inutile se réduise? Oui, mais parfois il y a des chemins différents. Par exemple, l'œil est très différent dans son histoire entre les pieuvres, les céphalopodes, hein, ces espèces de gros coquillages là où les calmars ont une très bonne vision, et l'œil humain ou l'œil des mammifères. Mmh. Et en fait, dans l'œil des céphalopodes, les vaisseaux sanguins sont sous les capteurs de lumière, donc c'est logique. Et chez nous, chez les mammifères, dans une autre histoire évolutive, les vaisseaux sanguins sont au-dessus des capteurs. Donc il faut que la lumière traverse d'abord les vaisseaux sanguins avant de frapper les cônes et les bâtonnets. Donc ça, c'est une erreur d'ingénierie qui s'explique par des chemins évolutifs différents. C'est une drôle histoire de notre corps. On en parle cet après-midi dans La Tête au Carré et on poursuit cette discussion juste après Baptiste Hamon, Je brûle. Cette maison, c'est le lieu de mon repos. Elle donne sur la rue pourtant, face au bistrot. Un peu plus loin, la pharmacie, le groupe scolaire du village et tous ces gens qui passent. Ils n'ont pas vraiment d'âge. Il est un étang aussi, là-bas. Quand j'ouvre grand la fenêtre du salon, j'y salue les eaux calmes chaque matin. Et les eaux calmes me répondent et je me sens revivre, tiens. Elle me rappelle tes caresses, tes baisers. Alors, je peux démarrer ma journée. Je brûle de mille feux. Je brûle de mille feux. Je brûle. C'est une maison de pierre blanche d'où l'on observe les souvenirs de l'enfance et de la grande adolescence. Je n'avais pas conscience des détours qu'il faudrait prendre, et peu importe. Tout au bout, je savais le plaisir, les voyages, un baiser. Alors, je peux démarrer ma journée. Je m'en vais. De mille feux, je m'en vais. Pour toi, tu sais, tu ne sais pas peut-être, je te le dis alors. Pour toi, souvent, je suis comme dans un grand brasier. À la simple évocation de ton nom, de tes yeux, je brûle. Je brûle, peut-être que je suis amoureux. Amoureux, je ne sais pas, je ne sais plus. De toute façon, je ne te le dirai pas. Pour ne pas t'effrayer, pour ne pas m'effrayer aussi. Mais je brûle, je danse pour toi. Je ne me lasse plus d'être moi. Je brûle. Je brûle, de mille feux, je brûle, de mille feux, je brûle, tu vois, je brûle, de mille feux, je brûle, de mille feux, je brûle, de mille feux. Tête au carré sur France Inter. Voilà l'histoire secrète de notre corps à découvrir ce soir 20h50 sur France 5, réalisé donc par Pierre-François Gaudry, mon invité, et Alain Froment également avec nous pour commenter justement cette longue histoire. Cette machine à remonter le temps, vous êtes d'accord avec cette image, Alain Froment? Finalement, le corps nous raconte tout ça. Hein. C'est exactement ça, c'est un peu comme des pelures d'oignons, et plus on descend, plus on trouve le noyau. C'est ça, c'est une autre image, effectivement. Alors, vous parliez de l'œil, là, tout à l'heure, justement, Alain Froment. Il y a une partie, évidemment, qui lui est consacrée hein, dans le film. Dans votre ouvrage « Anatomie impertinente », vous disiez « L'endroit le plus magique de tout le corps, c'est l'œil ». C'est d'une complexité absolument fascinante, quand même. Hein. Oui, alors c'est donc étonnant de voir que le problème de la vision a été résolu de plusieurs façons. Mmh. D'ailleurs, dans le film, on parle de l'œil en tant que chambre, un peu caméra, et puis l'œil en tant que point, comme dans les mouches, les invertébrés. Alors, dans la solution qui a été retenue chez l'homme, on voit que c'est une grande complexité, puisqu'il y a un cristallin, des petits muscles, etc., puis tous ces capteurs. Mais quand on regarde par l'anatomie comparée d'autres structures anatomiques dans d'autres animaux, on voit que c'est d'abord un capteur simple, une tache, une lentille, avec des cellules qui vont être sensibles à la lumière. Chez des animaux très très primitifs, parfois unicellulaires, et puis ça se creuse, ça fait une espèce de chambre, et puis petit à petit, comme ça, il y a des mutations. Alors ça semble extraordinaire, mais en fait c'est toujours le fait que quand il y a une innovation, eh bien la sélection naturelle va la retenir, ce qui n'empêche pas les autres animaux qui n'ont pas eu cette mutation de continuer à très bien vivre, mais là ce sont des améliorations, et on voit très bien la généalogie de ces améliorations, pour aboutir à un système qui est en apparence complexe, mais quand on voit toutes les phases intermédiaires, on comprend que la sélection peut donner naissance à ça de façon répétée dans plusieurs rameaux. Alors juste pour reprendre ce que vous venez de nous dire, quand il y a amélioration, la sélection naturelle, justement, entre toujours en jeu. Ça vous donne un avantage. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est toujours retenu. En général, oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la sélection? C'est de transmettre à vos descendants vos gènes. Ouais. Et donc, plus vous transmettez, plus ça vous donne un avantage. Alors, il y a une petite blague là-dessus que racontent les paléontologistes. Vous voyez, c'est un tyrannosaure qui poursuit deux petits dinosaures herbivores. Ouais. Et l'un dit à l'autre, j'espère que je vais courir plus vite que lui. Et l'autre le regarde, il dit, moi, j'espère que je vais courir plus vite que toi. Ouais. C'est-à-dire qu'en la sélection, c'est à l'intérieur de la même espèce, sur les individus qui ont un caractère à améliorer, et ils vont donc le transmettre à la descendance. Pierre-François Gaudry, dans le film justement Autour de l'œil, on découvre un animal très laid, parce que là, franchement, la lamproie, il faut regarder sur internet tout de suite si vous ne connaissez pas la tête d'une lamproie et cette bouche qui est absolument étonnante, et pourtant on a un lien justement autour de l'œil. Absolument. Alors je trouvais qu'effectivement l'œil était un exemple intéressant parce que les créationnistes l'ont utilisé comme concept de complexité irréductible en disant un organe si complexe ne peut pas avoir évolué à partir d'un modèle simple et c'est forcément une création divine en quelque sorte. Donc je trouvais que c'était intéressant et justement parce qu'il y a des découvertes qui montrent des stades intermédiaires et puis aussi effectivement cet animal qui a une bouche très laide mais dont on n'a pas hérité de la bouche circulaire, avec des dents de ventouse, donc c'est un vertébré sans mâchoire, mais avec cette ventouse qui sert de bouche et qui est extrêmement laide, un peu bouche d'alien, mais par contre notre œil est très proche finalement, relativement proche en tout cas. Ouais. En tout cas, l'œil de la lamproie est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le penser. Ouais. Donc à partir de là, c'est vrai que l'idée était d'essayer d'explorer si cet œil, parce que les lamproies ont évolué elles aussi, donc si l'œil des ancêtres des lamproies était eux aussi aussi complexe que ça. Et là, on remonte très loin. On remonte à 300-400 millions d'années. Voilà. C'est ça, et avec des découvertes sur des fossiles qui montrent que il y a 300 millions d'années, il y avait déjà un modèle d'œil beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le penser. Ouais. Ouais. Alain Froment, on aurait pu choisir un autre exemple animal, justement, pour comparer l'œil humain de l'œil d'un autre animal, justement. Oui, il y a donc tous ces invertébrés qui ont chacun trouvé leur solution. Mm-hmm. Et ça, c'est le cas pour l'ensemble des organes. Vous pouvez regarder le foie, la rate, la colonne vertébrale, le système nerveux, tout ça dérive de structures en général assez simples. Et nous, notre parenté, c'est avec un petit ver qui, à un moment, s'est structuré de façon un peu rigide, ce qu'on appelle la corde. Et la corde, c'est notre rachis, c'est notre colonne, c'est ça qui fait la rigidité du corps. Et ça date d'au moins 600 millions d'années. Ouais. On va écouter un autre extrait du documentaire autour de l'appendice, et là aussi, on a plein de choses à apprendre. Depuis plus de 10 ans, William Parker s'intéresse aux bonnes bactéries qui tapissent notre tube digestif et qui nous rendent de nombreux services. Parfois, elles s'agrègent en colonies très denses qu'on appelle biofilms. Nos bactéries intestinales ont beaucoup de mal à former un biofilm, sauf si vous leur ajoutez des molécules sécrétées par notre système immunitaire. C'est alors qu'elles arrivent à se regrouper pour constituer un biofilm. Le lien entre ces bactéries et le système immunitaire est la clé pour comprendre le mystère de l'appendice. En étudiant la concentration de biofilms en différents points de notre intestin, il s'est aperçu qu'elle augmentait en approchant de l'appendice et qu'elle était maximale à l'intérieur. Si vous regardez dans l'appendice, le biofilm ressemble à une épaisse couche de peinture. Les recherches de William Parker montrent que l'appendice serait une fabrique à bonnes bactéries et jouerait un rôle clé dans notre immunité. Si nous n'avons plus d'appendice, est-il plus difficile de se remettre de l'usage d'antibiotiques ? Et malheureusement, la réponse est oui, c'est bien le cas. Ah ben zut alors, dommage, parce qu'on est un certain nombre à ne plus l'avoir justement. Pierre-François Gaudry, il y a encore des questions sur à quoi ça sert finalement l'appendice hein ? On me pose beaucoup de questions d'ailleurs là-dessus, ouais. Sachant que j'ai fait signe en disant mais ouais. Moi j'ai plus d'appendice, est-ce voilà. que c'est grave ? On va demander au médecin. Est-ce que c'est grave, docteur ? On va demander au médecin dans un instant, mais ça vous intéressait de creuser sur la Bien question ? Bien sûr, ouais. Parce que c'est vrai que c'est un exemple un peu de hochet de l'évolution, en tout cas de ce qu'on pourrait penser que c'est un gadget de notre corps et c'est un sujet de conversation assez récurrent ouais. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait opérer, qui se sont fait enlever, donc c'est vrai que c'est un sujet de conversation, l'appendice. Et, c'était intéressant. Alors, William Parker, le scientifique qui intervient dans le film, est effectivement celui qui a percé un petit peu le mystère de cette réserve à bonnes bactéries qu'est l'appendice. Ouais. Alors, docteur Froment, s'il vous plaît, cet appendice, elle sert à quelque chose ou pas ? On peut en mourir d'une inflammation. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Donc, dans la liste des résidus inutiles, effectivement, l'appendice figure en bonne place. Puis finalement, cette liste, elle se raccourcit de plus en plus. C'est un peu comme les amygdales. On enlevait aux enfants les amygdales. Tout ça, en fait, ce sont des barrières immunitaires. Quand même. Donc, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien du tout. Et la compréhension récente du fonctionnement de ce qu'on appelle le microbiote intestinal, donc tout ce monde bactérien, viral et ça qui vit dans notre intestin, qui nous pilote un petit peu, donne un éclairage nouveau sur l'appendice, parce qu'effectivement, imaginez par exemple une diarrhée, du choléra haute, quelque chose qui vous balaye complètement votre intestin de toute sa flore, eh bien l'appendice, qui est un petit cul-de-sac, va servir de réserve pour recoloniser l'intestin. Donc avec ultra, précieux, bonnes... c'est, ultra précieux. C'est précieux. Ouais. Alors évidemment, on peut vivre sans appendice, on peut vivre sans rate, quand même, on peut vivre sans amygdale, on peut naître aussi par césarienne et ne pas avoir le microbiote de sa maman, mais les gens qui sont amputés, en quelque sorte, peuvent avoir effectivement des petits désordres au point de vue allergique, etc. Ouais. Ça n'est pas vital, donc on peut s'en faire. Et comme on peut mourir d'une crise d'appendicite, il y a quand même une balance. Mais les chirurgiens sont de plus en plus réticents maintenant à l'enlever. Donc, en cas de crise, on va refroidir d'abord avec des antibiotiques avant d'amputer. Voilà, donc un réservoir à bactéries. Patrice, sur franceinter.fr, demande si... il nous dit ceci, puisque l'évolution est un processus très lent. Est-ce qu'on peut penser que les grands singes pourraient développer une forme de langage et d'intelligence encore plus perfectionnée dans plusieurs milliers d'années, Alain Froment ? Alors déjà, il faudrait parler de millions d'années. Notre plus récent ancêtre commun entre les autres grands singes et nous-mêmes, puisque nous sommes aussi des grands singes, c'est de l'ordre de 7 milliards d'années. Un des fossiles, 7 millions. Pardon. Oui, comme vous y allez. Oui, comme j'y vais. avec Toumaï, le fameux fossile qui a été trouvé au Tchad. Et donc... ce qui a fait l'hominisation, c'est certainement la conquête d'un milieu intéressant, la savane, le fait justement de développer la bipédie, de pouvoir courir. Donc la bipédie, ça nous donne tout un tas d'avantages, un dialogue entre la main et le cerveau, un allègement des structures musculaires compriment la boîte crânienne. Donc finalement, le rameau humain, c'est le rameau des singes qui a réussi. Et les autres sont restés sur leur rameau avec leur petite boîte crânienne. Ouais. Rien n'interdit qu'un nouvel épisode se produise. Oui. Bon, écoutez, on verra ça dans quelques millions d'années, si on a la possibilité de pouvoir en discuter un jour. On poursuit cette discussion justement dans un instant avec d'autres messages pour vous sur le site de France Inter. C'est l'histoire secrète de notre corps et c'est ce soir sur France 5. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, page pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Cauchemar fantôme. de la mare aux oubliettes, venues du sphère obligatoire. Elfe follet, elfe faune et farfadet, c'est Fred mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, tu vas marquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Satyre joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait pas bon dans un concert de jurons disant d'un ton pathétique que l'état des obscènes. Champagne 1979, c'était Jacques Higelin. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, avec Pierre-François Gaudry, réalisateur, et Alain Froment, médecin anthropologue, pour parler de l'histoire secrète de notre corps, avec vos messages qui arrivent sur le site de l'émission. Élise, tiens, Alain Froment, c'est peut-être pour vous qui nous dit ceci. Les organes qui sont devenus aujourd'hui des résidus inutiles, comme vous le disiez, est-ce qu'ils pourraient finir par disparaître définitivement ? Oui, bien sûr, mais finalement, presque tous les organes sont recyclés. Alors, on peine à trouver des organes vraiment inutiles. On a un exemple, c'est par exemple les muscles qui font remuer les oreilles. Donc, il y a quelques personnes qui sont capables de remuer les oreilles. Ah ben, c'est pas rien, ça, dites donc. Absolument, ouais. Ça vous donne un avantage dans les dîners en ville. Donc, il y a trois petits muscles en avant, en arrière et au-dessus des oreilles. Vous savez le faire, vous, ou pas? Moi, je les ai pas. Non. Mais je connais des gens qui ont cette capacité. Ouais. Donc, ça, clairement, c'est un reliquat de nos cousins mammifères qui bougent les oreilles pour orienter la capture du son. Mais, un autre exemple, un petit muscle très méconnu qui s'appelle le muscle oripien. Horripilateur, qui fait donc se dresser les poils. Se dresser les poils, voilà. Donc évidemment sur le chat ou même sur le chimpanzé, on comprend qu'une colère faire hérisser, va faire augmenter le volume de l'animal et donc impressionner l'adversaire. Et nous qui avons des poils mais tellement fins, autant qu'un chimpanzé mais beaucoup plus fins, c'est pas en hérissant le poil qu'on va impressionner son prochain. Hein. Cela dit, bon, c'est ce poil qui donne la chair de poule. Il est quand même présent à des millions d'exemplaires dans la peau et il peut quand même envoyer un message d'émotion quand quelqu'un vous donne la chair de poule. Donc, ce n'est pas complètement inutile. C'est pour ça que je vous dis, on a peine à trouver des structures anatomiques qui soient vraiment inutiles. Oui. C'est vous qui parlez des sourcils dans votre livre ou c'est dans le film? Je ne sais plus, j'ai un doute là tout d'un coup. C'est dans le livre. Hein. Alors, j'en parle parce que oui, c'est pareil, les sourcils, c'est un reliquat de la pilosité faciale. Mmh. Évidemment, ça protège les yeux des écoulements, mais ça envoie des messages d'émotion, des messages sociaux. Évidemment, les primates humains sont entraînés à décrypter les visages. Darwin avait fait tout un livre là-dessus sur les émotions. Et donc, les sourcils sont recyclés aussi comme messagers des émotions. Ouais. Donc, ça soude un peu l'humain. Le groupe social. C'est ça, oui. Ça a un rôle social, absolument. Pierre-François Gourdy, vous arrivez à faire bouger vos oreilles, vous, c'est ça? Vous avez... On traîne depuis quelques années. Ah, ouais. C'est vrai, vous préparez le championnat du monde. Bravo. Bah, écoutez, on va vous suivre. L'homme pourrait-il un jour se réadapter pour vivre sous l'eau, demande Claire. Est-ce que les scientifiques que vous avez rencontrés vous ont donné une réponse à cette question, Pierre-François Gaudry? Beaucoup de choses se sont passées sous l'eau avant, effectivement, et le film le montre. Maintenant, là, je laisse la parole à Alain. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retour en arrière? Ce serait, vous rendez compte, hein? Ça a pris 375 millions d'années pour sortir. On a le temps, hein. Alors, en fait, maintenant, le grand facteur d'évolution, c'est la technologie. Donc, on va pas attendre de retrouver des branchies dont on voit comment nos poumons gardent le souvenir des branchies en internalisant en quelque sorte les petits sacs qui permettent d'extraire l'oxygène. Mais évidemment, le plus simple, c'est de construire des maisons sous l'eau ou d'avoir des scaphandres, etc. Ah bah oui. Donc, de copier ce qu'on appelle le biomimétisme, de copier ce que font les animaux. C'est pas la peine d'attendre, pas là, oui. Évidemment, des millions d'années retrouver des structures qu'on a perdues. La naissance de la sexualité, Pierre-François Gaudry, c'est le passage le plus torride, évidemment, de ce documentaire, mais qui, on peut rassurer tout le monde, est regardable par toute la famille. C'est quoi l'histoire, finalement? Oui, il fallait bien effectivement une petite séquence un peu plus torride. Alors c'est comment est née notre sexualité et comment sont nés nos organes génitaux. Donc là c'est les origines du sexe. Et là c'est vrai qu'il y a un scientifique australien qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui est allé explorer du côté de ces fameux poissons qu'on appelle les placodermes parce que c'était des poissons un peu C'est moins torride comme nom tout de suite. Hein, les placodermes. Donc la sexualité chez les placodermes est les origines de notre sexualité. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Alain Froment, alors? Alors, ça rappelle... Il y a eu une différenciation entre les mâles et les femelles à ce moment-là? Oui, alors quand vous regardez les embryons, et même c'est une science qu'on appelle l'évo-dévo, pour évolution et développement. Oui. Il y a un parallèle entre l'évolution des espèces et le développement du petit embryon qui récapitule un petit peu les différentes phases. Et à un certain moment, ce petit embryon qui ressemble à un petit étard, à une virgule, il a tous les caractères de l'embryon de poisson ou de salamandre, etc. Et puis, il n'est pas différencié non plus sur le plan sexuel. Ça peut être mâle ou femelle, et petit à petit, avec la mise en jeu d'un certain nombre de gènes, les structures anatomiques sexuelles vont apparaître et elles vont être en miroir chez le garçon et chez la fille. C'est comme ça que le clitoris est l'équivalent du pénis, que la prostate et l'utérus se renvoient, etc. Toutes les structures se renvoient. Évidemment, la mise en place de ce qu'on appelle les organes génitaux externes, elle date du moment où les espèces ont commencé à copuler avec des organes dont l'un devait être en relief et l'autre en creux. Ouais. Et donc ça a commencé avec le placoderme. Voilà. Alors il y a le passage sur le clitoris ce soir dans le documentaire et bien nous en diffusons tout de suite un extrait en primeur. Depuis l'Antiquité, l'orgasme féminin intrigue les spécialistes qui ont tenté, sans grand succès, d'expliquer son rôle. Alors que, comme le notait déjà Aristote, les femmes peuvent concevoir sans rien ressentir. Nous avons essayé de trouver ce qui est au cœur de l'orgasme féminin et qu'on peut comparer avec les autres espèces. Nous avons observé que pour certaines espèces, comme les lapins, c'est la copulation qui provoque l'ovulation. Mihaela Pavlicev a relevé la composition des hormones libérées dans le système sanguin qui provoquent l'ovulation lors de l'accouplement chez ces espèces. Or, ce signal hormonal est très similaire à celui qui accompagne l'orgasme féminin. Notre orgasme vient de la stimulation de différentes zones, mais l'un des principaux déclencheurs est le clitoris. Ce qui est surprenant, c'est que chez les mammifères, le clitoris peut être positionné soit à l'intérieur du vagin, soit à l'extérieur. De façon intéressante, les espèces dont l'ovulation dépend de la copulation ont le clitoris à l'intérieur du vagin, où il sera stimulé à coup sûr. Tandis que les espèces qui ne dépendent pas du coït pour ovuler ont le clitoris à l'extérieur. Voilà, donc toujours dans l'histoire secrète de notre corps, le clitoris à l'infrement, vous en parliez également dans votre ouvrage, innervé par 8000 terminaisons, c'est le point le plus sensible du corps féminin et le seul organe entièrement dédié au plaisir. C'est magnifique. Les hommes n'ont pas l'équivalent. Alors, ils ont le gland, mais le pénis sert à plusieurs fonctions. Il sert à uriner, il sert à la reproduction et il sert au plaisir. Ouais. Tandis que dans le clitoris, il c'est ne uniquement sert que ça. Au plaisir. Et vous savez, toutes les mutilations génitales ont attiré l'intérêt des chirurgiens. On s'est aperçu que le clitoris est en fait beaucoup plus gros que ce qui apparaît. Oui. Il a deux branches qui enserrent entièrement le vagin, de sorte qu'avant, on distinguait entre les orgasmes clitoriens et vaginaux, clitoridiens et vaginaux. Maintenant, on sait que c'est une stimulation même vaginale du clitoris qui peut déclencher l'orgasme. Donc une partie cachée mais stimulée pendant le coït en fait. Voilà. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qui rend aussi d'ailleurs le clitoris, les femmes particulièrement sensibles aux infections urinaires, c'est ça ? Alors, c'est la proximité anatomique, ça, ouais. C'est le fait que l'urètre, elle débouche tout près, et puis l'urètre est très court pour aller à la vessie, donc c'est assez facile pour les germes, qui sont notamment les germes fécaux à l'anus, de remonter le canal de l'urètre et d'infecter la vessie. Allez, une dernière question des auditeurs, pendant que Fabrice Drouet est en train de régler son micro en direct. Alain Froment, que pensez-vous des adaptations possibles des humains et de leur métabolisme au changement climatique, plus précisément aux augmentations des températures, par exemple en Afrique? Alors ça, il n'y a pas de problème parce que nous sommes des primates tropicaux. Donc le problème de l'humanité, ça a été plus de s'adapter au froid quand on a conquis les latitudes boréales, que parce que nous sommes très adaptés à réagir à la chaleur, notamment avec un mécanisme qui s'appelle l'évapotranspiration. On transpire et on se refroidit. Ouais. Et le réchauffement climatique, en fait, il va surtout affecter les pays du Nord. Quand il fait chaud en Europe, il fait humide en Afrique. Quand il fait froid en Europe, il fait sec en Afrique. Ouais. Donc les augmentations de température ne seront pas partout les mêmes. Mais nous, en tant que primates tropicaux, on n'a pas de problème d'adaptation avec 2 ou 3 degrés de plus. C'est évidemment, il y a d'autres problèmes, la montée des océans, etc., mais qui est lente aussi quand même, qui peut s'étaler sur plusieurs siècles. Donc il y a des problèmes à résoudre, mais dire que l'humanité va disparaître, non, ça c'est une imposture. Pas à cause du changement climatique, selon vous ? Non. Très bien. Bon, ben, c'est votre point de vue en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Alain Froment, donc cet ouvrage, pour en savoir plus, c'est Anatomie impertinente, le corps humain et l'évolution. C'est chez Odile Jacob. Et puis Pierre-François Gaudry, donc l'histoire secrète de notre corps, c'est ce soir à 20h50 sur France 5 dans la case Science Grand Format. Voilà, il y a plein d'autres choses qu'on va découvrir. Vous parlez aussi du cerveau, mais il faudra regarder. On a 90 minutes pour ça, le faire. C'est une longue histoire. Merci beaucoup. Fabrice Rouel, bonjour. Bonjour Mathieu. Ça va, le micro est bien réglé? Oui, il fait du bruit ce micro. Ah, c'est fou. Hein. Écoutez le bruit qu'il fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. On vous a bien entendu. Donc pardon. Nous reviendrons sur le tsunami de décembre 2004, du 26 décembre 2004 dans le golfe du Bengale, 226 000 morts. Cette catastrophe était épouvantable. Et ce sera dans Affaires Sensibles dans quelques instants. Merci Fabrice. Nicolas Delmas était aujourd'hui à la technique et sur Inter, il est pile 15h.